Je recherchais surtout dans mes voyages les artistes et ces hommes divins qui chantent les dieux sur la lyre et la félicité des peuples qui honorent les lois, la religion et les tombeaux. Ces chantres sont de race divine. Ils possèdent le seul talent incontestable dont le ciel est fait présent à la terre. Leur vie est à la fois naïve et sublime. Ils célèbrent les dieux avec une bouche d'or, et ce sont les plus simples des hommes. Ils causent comme des immortels ou comme de petits enfants. Ils expliquent les lois de l'univers et ne peuvent comprendre les affaires les plus innocentes de la vie. Ils ont des idées merveilleuses de la mort et meurent sans s'en apercevoir, comme des nouveau-nés. Sur les monts de la Calédonie, le dernier barde qu'on ait ouï dans ces déserts me chanta des poèmes dont un héros consolait jadis sa vieillesse. Nous étions assis sur quatre pierres rongées d'os. Un torrent coulait à nos pieds. Le chevreuil passait à quelque distance parmi les débris d'une tour, et le vent des mers sifflait sur la bruyère de Kona. Maintenant la religion chrétienne, fille aussi des hautes montagnes, a placé des croix sur les monuments des héros de Morven et touché la harpe de David au bout du même torrent où Ossian fit gémir la sienne. Aussi pacifique que les divinités de Selma étaient guerrières, elle garde des troupeaux où Fingal livrait des combats. Et elle a répandu des anges de paix dans les nuages qu'habitaient des fantômes homicides. L'ancienne et riante Italie m'offrit la foule de ses chefs-d'œuvre. Avec quelle sainte et poétique horreur gérée dans ces vastes édifices consacrés par les arts à la religion. Quel labyrinthe de colonnes, quelle succession d'arches et de voûtes. Qu'ils sont beaux ces bruits qu'on entend autour des dômes semblables aux rumeurs des flots dans l'océan, aux murmures des vents dans les forêts, ou à la voix de Dieu dans son temple. L'architecte bâtit, pour ainsi dire, les idées du poète et les fait toucher au sens. Cependant, qu'avais-je appris jusqu'alors avec tant de fatigue? Rien de certain parmi les anciens, rien de parmi les modernes. Le passé et le présent sont deux statues incomplètes. L'une a été retirée toute mutile du débris des âges. L'autre n'a pas encore reçu sa perfection de l'avenir. Mais peut-être, mes yeux amis, vous surtout, habitants du désert, êtes-vous étonnés que dans ce récit de mes voyages, je ne vous ai pas une seule fois entretenu de monuments de la nature. Un jour, j'ai monté au sommet de l'Etna, volcan qui brûle au milieu d'une île. Je vis le soleil se lever dans l'immensité de l'horizon au-dessous de moi, la Sicile resserrée comme un poing à mes pieds et la mer déroulée au loin dans les espaces. Dans cette vue perpendiculaire du tableau, les fleuves ne semblaient plus que des lignes géographiques tracées sur une carte. Mais tandis que d'un côté mon œil apercevait ces objets, de l'autre il plongeait dans le cratère de l'Etna, dont je découvrais les entrailles brûlantes entre les bouffées d'une noire vapeur. Un jeune homme plein de passion, assis sur la bouche d'un volcan et pleurant sur les mortels dont à peine il voyait à ses pieds les demeures, n'est sans doute, ô vieillard, qu'un objet digne de votre pitié. Mais quoi que vous puissiez penser de René, ce tableau vous offre l'image de son caractère et de son existence. C'est ainsi que toute ma vie j'ai eu dans les yeux une création à la fois immense et imperceptible et un abîme ouvert à mes côtés. En prononçant ces derniers mots, René se tut et tomba subitement dans la rêverie. Le père Souël le regardait avec étonnement et le vieux Sachem aveugle, qui n'entendait plus parler le jeune homme, ne savait que penser de ce silence. René avait les yeux attachés sur un groupe d'Indiens qui passaient gaiement dans la plaine. Tout à coup, sa physionomie s'attendrit. Des larmes coulent de ses yeux, il s'écrie. Heureux sauvage, oh que ne puis-je jouir de la paix qui vous accompagne toujours. Tandis qu'avec si peu de fruits, je parcourais tant de contrées, vous, assis tranquillement sous vos chaînes, vous laissiez couler les jours sans les compter. Votre raison n'était que vos besoins et vous arriviez mieux que moi au résultat de la sagesse, comme l'enfant, entre les jeux et le sommeil. Si cette mélancolie qui s'engendre de l'excès du bonheur atteignait quelquefois votre âme, bientôt vous sortiez de cette tristesse passagère et votre regard levé vers le ciel cherchait avec attendrissement ce je ne sais quoi inconnu qui prend pitié du pauvre sauvage. Ici la voix de René expira de nouveau et le jeune homme pencha la tête sur sa poitrine. Chaque tasse, étendant les bras l'ombre et prenant le bras de son fils, lui cria d'un ton ému « Mon fils, mon cher fils !» À ces accents, le frère d'Amélie, revenant à lui et rougissant de son trouble, pria son père de lui pardonner. Alors, le vieux sage, « Mon jeune ami, les mouvements d'un cœur comme le tien ne sauraient être égaux. Modère seulement ce caractère qui t'a déjà fait tant de mal. Si tu souffres plus qu'un autre des choses de la vie, il ne faut pas t'en étonner. Une grande âme doit contenir plus de douleur qu'une petite. Continue ton récit. Tu nous as fait parcourir une partie de l'Europe. Fais-nous connaître ta patrie. Tu sais que j'ai vu la France et quels liens y ont attaché. J'aimerais à entendre parler de ce grand chef qui n'est plus et dont j'ai visité la superbe cabane. Mon enfant, je ne vis plus que pour la mémoire. Un vieillard, avec ses souvenirs, ressemble au chêne décrépit de nos bois. Ce chêne ne se décore plus de son propre feuillage, mais il couvre quelquefois sa nudité des plantes étrangères qui ont végété sur ses antiques rameaux. Le frère d'Amélie, calmé par ces paroles, reprit ainsi l'histoire de son cœur. Hélas, mon père, je ne pourrais t'entretenir de ce grand siècle, dont je n'ai vu que la fin dans mon enfance, et qui n'était plus lorsque je rentrais dans ma patrie. Jamais un changement plus étonnant et plus soudain ne s'est opéré chez un peuple. De la hauteur du génie, du respect pour la religion, de la gravité des mœurs, tout était subitement descendu à la souplesse de l'esprit, à l'impiété, à la corruption. C'était donc vainement que j'avais espéré retrouver dans mon pays de quoi calmer cette inquiétude, cette ardeur de désir qui me suit partout. L'étude du monde ne m'avait rien appris, et pourtant je n'avais plus la douceur de l'ignorance. Ma sœur, par une conduite inexplicable, semblait se plaindre à augmenter mon ennui. Elle avait quitté Paris quelques jours avant mon arrivée. Je lui écrivis que je comptais l'aller rejoindre. Elle se hâta de me répondre pour me détourner de ce projet, sous prétexte qu'elle était incertaine du lieu où l'appellerait ses affaires. Quelle triste réflexion ne fis-je point alors sur l'amitié, que la présence attiédit, que l'absence efface, qui ne résiste point au malheur et encore moins à la prospérité. Je me trouvais bientôt plus isolé dans ma patrie que je ne l'avais été sur une terre étrangère. Je voulus me jeter pendant quelque temps dans un monde qui ne me disait rien et qui ne m'entendait pas. Mon âme, qu'aucune passion n'avait encore usée, cherchait un objet qui pût l'attacher. Mais je m'aperçus que je donnais plus que je ne recevais. Ce n'était ni un langage élevé, ni un sentiment profond qu'on demandait de moi. Je n'étais occupé qu'à rapetisser ma vie, pour la mettre au niveau de la société. Traité partout d'esprit romanesque, honte du rôle que je jouais, dégoûté de plus en plus des choses et des hommes, je pris le parti de me retirer dans un faubourg pour y vivre totalement ignoré. Je trouvais d'abord assez de plaisir dans cette vie obscure et indépendante. Inconnu, je me mêlais à la foule, vaste désert d'hommes. Souvent assis dans une église peu fréquentée, je passais des heures entières en méditation. Je voyais de pauvres femmes venir se prosterner devant le Très-Haut, ou des pécheurs s'agenouiller au tribunal de la pénitence. Nul ne sortait de ces lieux sans un visage plus serein, et les sourdes clameurs qu'on entendait au dehors semblaient être les flots des passions et les orages du monde qui venait expirer au pied du temple du Seigneur. grand Dieu qui vit en secret, couler mes larmes dans ces retraites sacrées. Tu sais combien de fois je me jetais à tes pieds pour te supplier de me décharger du poids de l'existence ou de changer en moi le vieil homme qui n'a senti quelquefois le besoin de se régénérer, de se rajeunir aux eaux du torrent, de retremper son âme à la fontaine de vie, qui ne se trouve quelquefois accablé du fardeau de sa propre corruption et incapable de rien faire de grand, de noble, de juste. Quand le soir était venu, reprenant le chemin de ma retraite, je m'arrêtai sur les ponts pour voir se coucher le soleil. L'astre, enflammant les vapeurs de la cité, semblait osciller lentement dans un fluide d'or, comme le pendule de l'horloge des siècles. Je me retirai ensuite avec la nuit, à travers un labyrinthe de rues solitaires. En regardant les lumières qui brillaient dans la demeure des hommes, je me transportai par la pensée au milieu des scènes de douleur et de joie qu'elles éclairaient, et je songeai que sous tant de toits habités, je n'avais pas un ami. Au milieu de mes réflexions, l'heure venait frapper à coups mesurés dans la tour de la cathédrale gothique. Elle allait, se répétant sur tous les tons et à toutes les distances, d'église en église. Hélas, chaque heure dans la société ouvre un tombeau et fait couler des larmes. Cette vie qui m'avait d'abord enchanté ne tarda pas à me devenir insupportable. Je me fatiguai de la répétition des mêmes scènes et des mêmes idées. Je me mis à sonder mon cœur, à me demander ce que je désirais. Je ne le savais pas, mais je crus tout à coup que les bois me seraient délicieux. Me voilà soudain résolu d'achever dans un exil champêtre une carrière à peine commencée et dans laquelle j'avais déjà dévoré des siècles. J'embrassai ce projet avec l'ardeur que je mets à tous mes desseins. Je partis précipitamment pour m'ensevelir dans une chaumière, comme j'étais parti autrefois pour faire le tour du monde. On m'accuse d'avoir des goûts inconstants, de ne pouvoir jouir longtemps de la même chimère, d'être la proie d'une imagination qui se hâte d'arriver au fond de mes plaisirs, comme si elle était accablée de leur durée. On m'accuse de passer toujours le but que je puis m'atteindre. Hélas, je cherche seulement un bien inconnu dont l'instinct me poursuit. Est-ce ma faute si je trouve partout des bornes? Si ce qui est fini n'a pour moi aucune valeur? Cependant, je sens que j'aime la monotonie des sentiments de la vie. Et si j'avais encore la folie de croire au bonheur, je le chercherais dans l'habitude.